Il se prit le front à deux mains, puis, écartant les bras, comme dans une grande détresse. « Si on tâchait, cependant, si on était de bonne foi, on pourrait s'entendre. Mais non, les ouvriers ne valent pas mieux que les bourgeois, voyez-vous. À Elbeuf, dernièrement, ils ont refusé leur secours dans un incendie. Des misérables traitent Barbès d'aristocrate. Pour qu'on se moque du peuple, ils veulent nommer à la présidence Nadeau, un maçon. Je vous en un peu. Il n'y a pas de moyen, pas de remède. Tout le monde est contre nous. Moi, je n'ai jamais fait de mal. Et pourtant, c'est comme un poids qui me pèse sur l'estomac. J'en deviendrai fou si ça continue. J'ai envie de me faire tuer. Je vous dis que je n'ai pas besoin de mon argent. Vous me le rendrez, parbleu. Je vous le prête. » Frédéric, que la nécessité contraignait, finit par prendre ses 4 000 francs. Ainsi, du côté de la Vannaz, il n'avait plus d'inquiétude. Mais Rosanette perdit bientôt son procès contre Arnoux et, par entêtement, voulait en appeler. Deslauriers s'exténuait à le faire comprendre que la promesse d'Arnoux ne constituait ni une donation ni une cession régulière. Elle n'écoutait même pas, trouvant la loi injuste. C'est parce qu'elle était une femme. Les hommes se soutenaient entre eux. À la fin, cependant, elle suivit ses conseils. Il se gênait si peu dans la maison que, plusieurs fois, il amena Sénécal y dîner. Ce sans-façon déplut à Frédéric, qui lui avançait de l'argent, le faisait même habiller par son tailleur. Et l'avocat donnait ses veillées redingotes aux socialistes dont les moyens d'existence étaient inconnus. Il aurait voulu servir Rosanette, cependant. Un jour, qu'elle montrait 12 actions de la compagnie du Kaolin, cette entreprise qui avait fait condamner Arnoux à 30 000 francs, il lui dit: « Mais c'est véreux, c'est superbe !»